CFOU 89.1. Cette semaine, on met du plan de show. Dans Television Television, Rob Ford perd son émission sur Sun News après un seul épisode. C'est comme aux élections, une mauvaise décision, l'engager suivi d'une bonne décision, le virer, ça s'annule. Alors, c'est le Geek CLX des consoles PlayStation 4 défectueuses et leur premier démarrage, c'est à se demander si c'est PlayStation 4 ou PlayStation News. Et dans la Geekette en l'avenir, de l'herpès est trouvé sur des copies de bibliothèques de 50 nuances degrés, d'après moi, Rob Ford a à voir avec ça. Et voici celui qui trouve que 50 nuances de gris, c'est pas assez. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Rob Ford et un peu comme Robbie, hein, Robbie Boy, a besoin de, ben là, insérer une blague facile comme tout le monde fait en ce moment. J'ai besoin de quelqu'un qui parlait, donc Marie-Ève Picard est là. Bonjour! Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, très très bien. De bonne humeur pour animer une belle émission de Mathieu Planchot, une belle petite heure ensemble à parler ben de sources oui. Geek. Ben oui! C'est ta chose préférée dans la vie. Tellement. Donc, plus tard à l'émission, on va avoir nos classiques comme C'est un fait Tech Edition, le segment Geek CLX et la Geekette en devenir. Eh ben oui, c'est moi. À la fin. Oh oui. Pour venir compenser pour tout le reste. Voilà, voilà. La belle petite cerise sur le Sunday. Ah, voilà. Oh. Ah. Des cerises, miam. Miam. Dans le maras. C'est quoi la petite sauce maraschino-marasquin? Ouais, oh, on n'a pas de moyen. Ah, en tout cas. Mm-hmm. Donc, dans quelques instants, on va débuter avec Television Television. Je pense que c'est mon segment préféré d'émission. Mais avant ça, on doit écouter un petit peu de musique chiptune. Qui si c'était un segment, ce serait ça, mon. Ah, elle savait, c'est plate un peu pour la Geekette en devenir. Ok, donc, t'as Geekette en devenir en premier. Chiptune après. Merci. Ouais. Après ça, Television, Television. Et là, après ça, le reste. Ah, okay? Dans mon cœur, là. Ok. Voilà. Donc, on commence avec une pièce de chiptune, c'est-à-dire de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo qui, disons, rend hommage aux jeux vidéo. Mm-hmm. Et là, c'est l'artiste J-Red qui nous présente la pièce Smells Like Weird Bananas. C'est une chanson qui est faite dans le même style qu'un autre artiste chiptune qui s'appelle Weird Bananas. Donc, il essaie de faire pareil. Weird Bananas prend tout le temps un genre d'extrait de voix au début bizarre, puis après ça devient comme super punché. Donc, vous allez voir, ça commence exactement pareil comme une pièce de Weird Bananas, si vous connaissez dans le domaine chiptune. Donc, le voici, J-Red et Smells Like Weird Bananas. Hello. Sir, would you like to try our new cologne? Well, I don't know. Oh, God, my eyes. It smells like weird bananas. Oh, J-Rad, it smells like weird bananas. Celle-là avait des pauses dedans et j'adore ce genre de que ça a fait. Comparé à la semaine passée où j'avais fait jouer une chanson qui avait ça tout le long et ça devenait vraiment gossant. Effectivement. Tu te rappelles, ça coupait tout le temps à chaque 10 secondes, mais c'était voulu, tu sais. Oui, puis t'en avais parlé aussi avant. Donc ça, c'était bon. J-Rad, on apprécie. Tantôt, on entendra d'autres chiptunes, bien sûr, dont un hommage à Sonic the Hedgehog. Mais avant ça, c'est la chronique Television. C'est Television, où on parle de télévision. On commence avec Angèle Coutu. Angèle Coutu, tu te rappelles Angèle Coutu? Ouais, c'est pas le genre de celle qui faisait de la bouffe, là, je sais pas quoi, c'est ça? Non, ça c'est Angèle, sœur Angèle. Ah! Alors peut-être aussi avec la sœur de Jean Coutu, le gars des pharmacies. Oui, t'as raison, alors non. Bref, plusieurs téléromans ont obtenu... Sont toutes pareilles. Exactement ça. Quétaine, si on veut. Donc, plusieurs téléromans ont obtenu la faveur du public québécois au fil des ans. Et c'est dans les états qui s'est démarqué. C'est bien le retour. Hein? Donc, la chaîne Prise 2 a annoncé le retour du retour avec Angèle Coutu à partir du 6 janvier. Tu vois que Prise 2 commence à vraiment creuser dans les émissions québécoises. Et je trouve ça le fun de voir ça, même si pour moi, le retour n'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Mais alors, on avait parlé de Watatata. Oui. Radio Enfer joue déjà là, Kilomètre Heure, Histoire de filles, un paquet de choses comme ça. Mm-hmm. Donc, il est temps qu'on sorte les archives encore plus. Ah ouais. Moi, j'aime ça voir ça. Et bref, je voulais juste le mentionner. En bref. Ben, c'est fait. Voilà. Ensuite, Bell Media annonce la nouvelle chaîne de télé-investigation. On commence toujours par le Québec. Donc, ça va être la version francophone de Investigation Discovery. Exactement. Yeah. Qu'on écoute moins fréquemment depuis quelques temps. Mais c'est bon. Ça me manque. Ben, disons que toutes les émissions sont pareilles. Ouais. Mais quand tu t'assois devant ça, tu peux pas vraiment décrocher. Tu peux comme pas changer de poste. T'sais, ils ont toutes l'air bonnes, une après l'autre. La seule façon de décrocher, c'est quand ils commencent à passer des reprises d'émissions que t'as vues plus tôt dans la journée. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bref, on sait pas si ça va être comme ça au Québec, mais ça va être une genre de chaîne dérivée de Canal D, si on veut. Donc, Bell Media a annoncé que son tout nouveau service de télévision spécialisé Investigation sera lancé le jeudi 12 décembre prochain. Axé sur le monde interlope. D'accord, les enquêtes de la... criminalistique. La nouvelle chaîne renforcera la position de Bell Media comme chef de file dans le marché de la télévision spécialisée de langue française au Québec. Émulant l'expertise et le succès de Canal D, qui est l'une des chaînes spécialisées les plus populaires au Québec, Investigation va présenter des séries policières inédites au Canada francophone et la chaîne vise à exposer les méandres saisissants de véritables enquêtes criminelles. Bell Télé et Bell Five offriront à tous leurs abonnés un accès gratuit lors du lancement de la chaîne le 12 décembre et d'autres fournisseurs de services télévisuels seront annoncés ensuite. Le plus ample renseignement sur Investigation et sa programmation seront dévoilés lors d'un événement de lancement officiel qui se tiendra au début du mois de décembre. C'est sûr que ça va être un succès parce que les vendredis policiers à Canada sont tellement populaires. Ouais, hein? Mais c'est ce que je me demande. Est-ce que les émissions policières style vont rester à Canal D aussi? Est-ce qu'il va y avoir des doublons, tu sais? Bizarre quand même. On sait que Bell voulait amener la chaîne Discovery aussi, version québécoise. Ça s'en vient dans le futur. En tout cas, c'est ce qu'on en comprend. Donc, à un moment donné, c'est Canal D et là, Canal Discovery et la chaîne Investigation. Man, tu commences à vraiment... recycler le même matériel. Ouais. Ouais, mais bon. On va voir. Ouais. Une émission sur le passage des Beatles au Ed Sullivan Show se prépare. La chaîne CBS se diffusera une émission spéciale de 2 heures pour souligner le 50e anniversaire du passage remarqué des Beatles au Ed Sullivan Show. L'émission sera présentée le 9 février. Elle aura été pré-enregistrée 2 semaines avant, soit 2 jours après la présentation des Grammy Awards. Les artistes contemporains reconnus reprendront des chansons interprétées par les Beatles. Donc ça va être un gros succès, ça. Des gens de vedettes, genre Michael Bublé qui te reprend une chanson des Beatles. Ouais, ça... Pas convaincu des remakes par des vedettes du moment. L'émission spéciale sera diffusée 50 ans exactement après le passage du groupe au Ed Sullivan Show dans le même quart d'horaire et sur la même chaîne. Les artistes qui participeront à l'hommage n'ont pas encore été annoncés. Donc on va, encore une fois, en reparler. Ouhou. C'est ce qu'on fait, suivre les dossiers. Hein? Ouais, on a beaucoup, je trouve, en attente. Là. Journalisme 801. Quand ça a fini de m'intéresser, je le couvre plus. Bon. Mon fantôme d'amour se mue en série télévisée. Hein? Oui! Ben voyons, toi! Avec qui ça, c'est Patrick Swayze, c'est mon fantôme d'amour, c'est-tu? Oui. Whoopi Goldberg. Demi Moore. Demi Moore. Il n'y a que des vedettes, hein? Ouais. Oh, donc, ouais. je sais pas. Pourquoi je me pose la question. Le drame romantique et fantastique devenu culte depuis sa sortie en 90 inspire le petit écran. Sa version télévisée sera supervisée par 2 anciens scénaristes de la série de science-fiction Fringe. Oh. Comme je l'appelle, Fringe. Fringe. On ne compte plus le nombre de longs métrages adaptés en ce moment à la télévision. Un film qui a marqué toute une génération. Ghost rejoint à son tour la liste. Interprété donc par Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg. On avait à deux personnes, on avait eu les trois noms. Ah oui, on est bon, on est bon. Pas pire. À la réalisation de Jerry Zucker, évoquait la mort de Sam, tué devant les yeux de sa fiancée Molly. Resté sur Terre sous la forme de fantôme, il parvient à communiquer par l'intermédiaire d'une médium. Une découverte qui lui permet de garder un lien avec Molly et d'enquêter sur son meurtrier. Lauréat de l'Oscar du meilleur scénario original. L'histoire initialement écrite par Bruce Joel Rubin sera reprise par Akiva Goldsman et Jeff Pinker. Le premier est une plume reconnue à Hollywood pour les films Un homme d'exception, Da Vinci Code ou encore Je suis une légende. Ancien scénariste et producteur de Fringe, il s'associera à Jeff Pinker qui occupait ses mêmes fonctions sur l'ancienne série de J.J. Abrams, Fringe. L'adaptation de Ghost ne possède pas encore de chaîne attitrée. Le studio Paramount Television ne participera au développement comme il l'avait fait l'année dernière pour la version petit écran du film Le Flic de Beverly Hills, que CBS avait finalement refusé. On avait parlé de ça. On n'avait peut-être pas parlé du fait que ça n'avait pas été accepté, mais bon... Ouais, non, effectivement. Le dossier est mort, hein? Mais oui, un de moins. Allez, tiens, parlant d'un autre pourquoi dans la vie, c'est une autre adaptation qu'on se demande pourquoi les liaisons dangereuses au petit écran. Non, Dieu Seigneur. Ça, ce que tu te rappelles, c'est qui? Glenn Close. Oui, oui, oui. Puis le gars, c'est... John Malkovich. Ah, c'est ça. Et Michelle Pfeiffer. Oui. Donc, le roman. Robin. C'est-à-dire un restant de rhume. Écrit par le français Pierre Chauderlot de Laclos en 1782. Connaîtra une nouvelle adaptation pour la chaîne anglaise BBC. L'histoire bien connue de la marquise de Mourteuil, et du vicomte de Valmont s'apprête à envahir la télévision avec l'aide de Christopher Hampton, scénariste qui connaît parfaitement le roman pour l'avoir transposé en pièce de théâtre puis au cinéma dans les années 80. Donc, c'est le même gars. Oh, ça, au moins, c'est le fun. Crème, c'est pas pire. Ben ouais. Si seulement il réussissait à avoir les mêmes vedettes que dans le film pour faire des guest stars. Ah ouais, en tant que guest star, oui. Peut-être, là, pas en tant que vedette. Mais non, c'est ça que je veux dire. Quoique Glenn Close a eu un rôle à la télé pendant plusieurs saisons. C'était dans Damages, je crois. Donc, quand même, c'est une vedette de la télé maintenant aussi. Non, ouais, mais pas ça. Dans le sens, c'est ils ont vieilli un petit peu là, ah oui. Depuis le temps. Là. Ils pourraient peut-être pas la même histoire. C'est ouais. C'est juste moi, là. Ça mais... se passe dans un foyer pour personnes âgées. Puis... C'est ça. C'est juste moi, mais bon. Liaison dangereuse, il se lève de son lit et va faire des toasts. Okay. Donc, le duel pervers de ces deux aristocrates libertins et manipulateurs du siècle des Lumières avait en 1988 fait l'objet d'un long métrage écrit par Christopher Hampton et mis en scène par Stephen Frears. Porté par Glenn Close et John Malkovich, le film avait remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté. Et la nouvelle version télé reprendra la trame originale proposée par Pierre Schlalaklin en y incorporant plusieurs personnages de la littérature libertine du 18e siècle. Ça, c'est un X, un V puis 3 I. La série sera diffusée en Angleterre par la BBC et aux États-Unis. Christopher Hampton démarchera les chaînes américaines une fois son script achevé. Cette histoire de séduction, de trahison et de vengeance a été maintes fois adaptée par le grand et le petit écran. La plus notable est celle de José Dayan qui dirigeait en 2003 Catherine Deneuve et Rupert Everett. Ah! Mm. Il y avait aussi eu la version avec... je crois que c'est Beyoncé, ça se peut-tu? Ah, c'est ça? Je sais pas. Ouais, en tout cas... quelconque fille qui lui ressemblait. Quelconque pop star. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je crois que c'était elle. Je crois que c'était bien Beyoncé, là. Puis c'était avec un gars aussi, là. Puis là, il y avait l'autre fille, il là. Il avait des cheveux, puis... Ah ouais, là. Puis là, il y avait l'autre fille, là, qui était dangereuse, là. Puis qu'elle voulait tellement le gars, mais là, le gars, il voulait plus d'elle. Puis là, il voulait rester avec sa femme, puis... On l'a vu ensemble, hein, ça? Oui, exactement. C'était pas basé sur les liaisons dangereuses, mais extrêmement inspiré par... Ah ouais, extrêmement, là. C'est quasiment comme un remake. Ouais, ouais, non, pour vrai. Là. Ça ressemblait ouais. beaucoup. Ah ouais. Mais c'est assez facile comme scénario, vu que ça date des années 1800, c'était fait mille fois. T'sais. Ben, c'est ça. Ouais. C'est trop facile, on dirait. Mais c'est une bonne histoire à la base. Ouais. Maintenant, une adaptation américaine pour les bracelets rouges, connais-tu? Non? Non, ben la chaîne américaine Fox met en chantier l'adaptation de la série espagnole Poseres Vermes, connue en français sous le titre Les Bracelets Rouges, apparue en janvier 2011 à la télé espagnole sur la chaîne TV3. La série suit avec un certain humour noir le quotidien d'enfants et d'adolescents hospitalisés. Et contrairement aux habituelles séries médicales, les héros sont les jeunes patients souffrant de maladies longues et graves. Les personnages principaux souffrent par exemple de tumeurs, d'anorexie ou de problèmes cardiaques. C'est un hop la vie, happy ending. Ouais. La version américaine va être baptisée The Red Band Society et ça va être écrit par Margaret Nagel chez ABC Studios et Amblin TV. Deux structures avaient déjà été tentées en 2011 d'importer... aux États-Unis, la série pour ABC, ça s'était pas concrétisé, donc on va voir si ça va avancer plus. En France, c'est en ce moment diffusé Les Bracelets Rouges depuis janvier sur la chaîne numéro 23. Donc, on va, encore une fois, se demander si ça a du sens de refaire une série espagnole. Je pense que oui, ça peut fonctionner. Oui. Comme Charbetti. Mm-hmm. Parce que ça a vraiment l'air déprimant. Ouais. Mais bon. Ouais. Mais peut-être que c'est pas super que ça, peut-être. Tu sais, quand tu l'écoutes. Ce qui risque de ne pas être déprimant. Un bon déprimant, genre. Ouais. Ben non, c'est ça. Oui, exact. C'est un genre de bon déprimant. Oui. Que tu veux voir comment les choses vont se passer dans cette déprime-là. C'est ça. Ouais. Un peu comme Walking Dead n'est pas une comédie, non. Ouais. Maintenant, une émission de variété avec Maya Rudolph de Saturday Night Live. Ça s'en vient chez NBC. En tout cas, ça pourrait s'en venir selon Deadline. Elle va être la vedette de cette émission de variété. Un pilote qui va être diffusé comme émission spéciale après les Olympiques d'hiver. Rudolph va être producteur exécutif, productrice exécutive, oui, avec Lorne Michaels, qui est celui qui dirige SNL aussi. On a commencé à parler d'une émission de variété pour Rudolph depuis février 2013, lorsque Up All Night était retiré des ondes, sa sitcom. Ah oui. Donc c'est en février que ça s'en vient, de l'année prochaine, après les Olympiques sur NBC. Non. Maintenant, la chaîne américaine, une chaîne américaine, oui, aspire à réinventer la série du réalisateur George Romero, Conte des Ténèbres, diffusée dans les années 80 à la télévision américaine, dans la foulée de ses succès successifs, merci pour la phrase, Journal de Montréal. De la nuit des morts vivants, zombies et le jour des morts vivants, George Romero, alors passé maître en histoire fantastique, a apporté son expertise à la télé à travers la série Conte des Ténèbres, Tales from the Dark Side, de 83 à 88. L'émission a diffusé 90 histoires courtes, indépendantes les unes des autres, à la manière des contes de la crypte, si on aime bien Tales from the Crypt Keeper, mm-hmm. C'est bon ça, apparu quelques années plus tard sur HBO. Mêlant fantasy, science-fiction et horreur, les intrigues s'inspiraient souvent d'auteurs du genre comme Stephen King. Donc, 30 ans plus tard, la chaîne CW tente de reprendre à son compte le principe à travers une série qu'elle espère dévoiler au cours de l'été 2014. Joe Hill, écrivain et fils de Stephen King, sera chargé de réinventer le genre, aidé par Alex Kurtzman et Roberto Orci, fidèles collaborateurs de J.J. Abrams, dont on parle sans cesse. Le trio avait déjà œuvré pour la Fox en tentant d'adapter la bande dessinée Lock and Key de Joe Hill. Le projet atterrira finalement au cinéma sous la bannière de Universal Pictures. La série de Killing, qui était morte, revenue en onde, remorte et maintenant est encore de retour en onde. C'est quand même impossible de tuer The Killing, comme diraient les grands titres faciles par les titreurs de merde des sections de télévision de tous les magazines. Ouais, mais il faudra peut-être qu'il arrête à un moment donné. Ouais, ben c'est ça. Si tout le monde la retire, c'est qu'à un moment donné, peut-être que ça devrait pas. Il y a peut-être une raison. Mais non, je ne crois pas. C'est que des fois, les séries ont moins de succès en termes de code d'écoute, mais la qualité est là. Ouais. Donc, ils veulent attirer un public qui aime la qualité. Et ça, c'est chez Netflix que ça va revenir. Oui. Oh. Pour une dernière saison. Donc, arrêté en 2012, réhabilité au printemps 2013, puis annulé de nouveau en septembre dernier. The Killing n'était pas censé connaître une quatrième saison. Et pourtant, la série connaîtra 6 ultimes épisodes que Netflix mettra prochainement à la disposition de ses abonnés. Et AMC cède donc sa place de diffuseur non sans regret, puisque l'audience de la troisième saison, diffusée entre juin et août 2013 à la télé américaine, n'a pas été à la hauteur des espérances de la chaîne. The Killing était revenu devant 1,8 million de téléspectateurs, un score honnête, donc ça veut dire correct. Lors de son épisode final, 300 000 personnes avaient déserté la série. Ça veut dire qu'on était rendu à 1 500 000. Lors de la première annulation, la plateforme Netflix s'était déjà montrée intéressée pour reprendre à son compte ce drame inspiré de la fiction danoise Fabre Delsen. Et voilà, donc c'est pour The Killing, ça va revenir, mais c'est une dernière saison annoncée, donc on sait que c'est vraiment la dernière saison. C'est ça. Mais quand même, pour les fans, c'est cool. Ça va finir de boucler la boucle. Ben, c'est ça. Tu es pour de bon. Oh! Ah ouais. Maintenant, tiens, quelqu'un qui n'est vraiment pas mort et même que sa carrière prend son envol. Quelle belle transition! Pas vraiment. C'est John Oliver qui quitte le Daily Show avec Jon Stewart pour aller partir sa propre émission sur HBO. What? Oui! On s'attendait pas à ça. On s'attendait à ce que Comedy Central, qui est la chaîne qui diffuse le Daily Show, lui offre une émission permanente parce que lui, il avait remplacé Jon Stewart pendant son congé cet été. Et c'était excellent et même meilleur. Oui, vraiment. Pour vrai, on est tanné de Jon Stewart, mais c'est que ça tourne un petit peu en rond. John Oliver amenait quelque chose de vraiment le fun. Il y a un petit côté. Alors, venez-y, tu sais. Donc, Comedy Central ne lui offre. Ben, peut-être qu'ils lui ont offert quelque chose, mais HBO est venu lui offrir quelque chose de plus mieux. Parce qu'il a accepté. Exact. Ça va être un talk show une fois par semaine qu'il va faire sur HBO. Ça va être vraiment très formule libre. Donc, un peu comme Bill Maher fait sur sa propre émission Real Time with Bill Maher. Donc, sûrement que ça va être dans le même genre de choses. Je sais pas si ça va être table ronde, mais en tout cas, ça va être comédie. Quand même, c'est le genre de territoire que Comedy Network, Comedy Central devrait gardé. Ils auraient vraiment dû lui faire une offre. Moi, je pense qu'ils vont vraiment regretter cette, oui, cet achat-là. Ah ouais, parce qu'il est à connaître. Vraiment. Humoriste britannique, excellent. Donc, il va commencer en 2014 sur HBO. Ça va être diffusé les dimanches soirs. Donc, vraiment dans le même moule que Bill Maher. Faudrait le dire aussi à Simon Fitzbé, parce que lorsque tu en avais parlé, il était du même avis que nous, que c'était même meilleur avec lui. Vraiment. On a parlé de ça en intro. Maintenant, c'est Rob Ford qui perd son émission de télévision. Et ça, c'est vraiment bizarre parce que c'est après un seul épisode. Ish! Oui. Ça devait-tu pas être bon, hein? Oh, ben non, c'est ça. J'ai vu quelques extraits. C'est vraiment pas pour moi. De toute façon, Sun News, en général, n'est pas pour moi. Donc, la chaîne de télévision conservatrice Sun News Network a décidé de mettre fin, après seulement un épisode, à l'émission de télé Ford Nation, du controversé maire de Toronto, dont tout le monde parle. Et on essaie de pas en parler assez fou, mais ici, ça touche à la télé. Donc, voilà. L'émission était initialement prévue pour être diffusée chaque semaine. Évidemment, je pense pas qu'il avait prévu en faire juste une. Le maire haute en couleur de Toronto, la plus grande ville du Canada, est de plus en plus isolé depuis ses aveux sur sa consommation de drogue. Sans expliquer la raison de cette décision, Corey Tenney, qui est ex-directeur de communication du premier ministre canadien Stephen Harper, a fait remarquer que l'émission de lundi avait enregistré de loin la meilleure audience de l'histoire de la chaîne. Faut s'entendre que c'est relatif parce que c'est une chaîne qui est pas très regardée. C'était lancé en avril 2011. L'édile de 44 ans et son frère Doug, conseiller municipal et proche collaborateur, avaient perdu au début du mois leur émission de radio qui est diffusée à chaque semaine. Mais quelques jours plus tard, Sun News avait annoncé le lancement de Ford Nation. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour M. Ford après avoir perdu ses pouvoirs exécutifs au profit de son maire adjoint. Blablabla, truc politique dont je me fous. Mais donc sur Sun News, il avait d'enfant perdu son émission de radio qui était à une autre chaîne. Sun News lui avait demandé de faire une émission de télé. Et là, après un épisode, ils se sont rendus compte à cause de la controverse que c'était mieux de ne pas l'avoir sur leur zone. Ça nuisait peut-être à leur image, mais en même temps, ça amenait des codes d'écoute. Oui. Et genre, Sun News fait tout pour avoir des codes d'écoute. Tout ce qu'on a vu à date, je veux dire, Sun News n'est pas réputé pour genre son éthique journalistique. Donc, bref. Ça me surprend. Et dans le même domaine, le talk show de Alec Baldwin sur MSNBC est suspendu pour propos homophobes. Mmh. Oui, donc non seulement Rob Ford, mais une vedette de cinéma américaine. Mmh. Ouais. Donc, le nouveau talk show d'Alec Baldwin a été suspendu pour 2 semaines des ondes de MSNBC après que l'acteur eût été filmé tenant des propos homophobes à l'endroit d'un photographe rencontré dans la rue de New York. Le réseau câblé elle n'a pas précisé pourquoi il avait interrompu la saison de l'émission du vendredi soir Up Late avec Alec Baldwin cette semaine et la suivante, mais la décision est survenue le lendemain de l'incident. Dans un communiqué publié sur le site de MSNBC, M. Baldwin a écrit qu'il n'avait pas eu l'intention de blesser ou d'offenser quiconque. C'est sûr, hein, on veut jamais offenser personne en faisant des... T'sais, quand on fait des commentaires genre sans vouloir offusquer quelqu'un, et voici un commentaire super offusquant. Offusquant, ouais. En tout cas, donc bref, on n'ira pas dans les détails potineux. Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je veux savoir. Tu veux savoir? Oui. OK, donc, attention. Est-ce que ça le dit dans l'article? Je crois qu'il y a seulement ses excuses dans l'article. Oh. Malheureusement, mais il est profondément désolé. Ben oui, sorry you've got caught. C'est ça. Exactement, comme dirait Rihanna. Hein, sorry you've got caught. Mais la vidéo est sur le site de TMZ, donc allez-y. Et le réseau MSNBC n'a pas voulu commenter. L'attaché de M. Baldwin a affirmé par courriel que l'acteur ne commenterait pas davantage. L'incident est survenu la même semaine lors de laquelle la comédienne Geneviève Sabourin, la comédienne québécoise qui harcelait Alec Baldwin depuis des années, a été déclarée coupable d'avoir harcelé M. Baldwin par des courriels, des appels et des visites durant 2 ans. Encore une fois, potin. Elle a été condamnée à 6 mois de prison en plus d'un mois qu'elle purge déjà pour ses outrages au tribunal. Et là là. Voilà. C'est pas tant 6 mois. Il y a une citation à la fin. Selon le site Variety.com, l'acteur l'a traité, le photographe, là, à New York, dans les rues, de stupide à l'extérieur de l'immeuble où il habitera. Ça va juste dire stupide, hein. Mais on parle de commentaires homophobes. Là, toi, espèce de stupide, et on sait que stupide, c'est des personnes qui... Qui sont homophobes, ben oui, c'est sûr. En tout cas, bref. Franchement. Il doit avoir d'autres choses, là. Ouais, c'est sûr qu'il y a plus que ça. Mais je suis jamais allé voir le site de TMZ de ma vie et je vais construire comme ça. Je vais peut-être y aller. OK, j'imagine, en fait. Ça me surprend que ce soit pas déjà là. Ouais, mais là, fin d'émission, là. Si je vais y aller. Access Hollywood, Entertainment Tonight, E-Talk. Yeah. À tous les jours, Alfred, tellement. Non, pas tant, là. Non, juste non. E-Talk, hein. Le beau Ben Mulroney. Ah, oh, c'est vrai qu'il est beau, quand même. C'est un beau bonhomme. Mais... il est un peu vieux, par contre, là, mais... Oh, ouais, madame a des goûts... Ah, mais il pourrait être mon père. Ben, quand même pas. Ben, là! J'ai plus de cheveux gris que lui. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mathieu Plante, il a des cheveux gris. Ah, je m'en cache pas du tout. Oui, puis je regarde des émissions pour Préado. Allô? Salut! Nick Reboot. Allô! Oui! Oh. On va la faire jouer la chanson de iCarly. Donc, Nick Reboot va ramener des émissions classiques de Nickelodeon. On parle justement de iCarly et de Victorious, nos deux émissions fétiches du moment. Exact. Qui sont excellentes. N'est-ce pas? Donc, Nick Reboot, pour les vieux fans de l'ancienne mode d'émission sur Nickelodeon, eh bien, ça va être super pour vous, ça, nickreboot.com. Avec du live stream de vos émissions préférées des années 90 et début des années 2000, comme entre autres Doug. Ah, oh, oui, c'était quoi donc ça? Ah oui. Donc cool. Un stream 24 heures par jour avec des publicités classiques. Des publicités classiques. Vous allez revivre toute votre jeunesse parce qu'il y avait plein d'émissions de Nickelodeon qu'on ne sait pas qui étaient de Nickelodeon, mais qui étaient diffusées avec la famille dans le temps. Génial, allez voir nickreboot.com. Je vais juste aller cliquer sur le site pour voir qu'est-ce qu'il y a. Je veux d'autres exemples parce que je trouve que un, c'est pas assez. Ah, il faut se connecter. Qu'est-ce qu'il faut se connecter à quoi, là? Attends un peu, là. Alors, M. Plante est en train d'essayer de se connecter sur le site. Ben, Caroline, pourquoi tu me demandes un login? En tout cas, bref. Ben, parce que... Nick Reboot. Les extraits, ils vont les mettre sur YouTube après. Sûrement. Mais, je cherche pas plus loin. Il y a une émission au Japon qui s'appelle Orgasm Wars qui met en vedette des hommes gays qui essaient de faire... d'amener à l'orgasme des hommes hétérosexuels. Ben, voyons donc. C'est comme le jeu Fais-moi rire. Tu te rappelles à TVA dans le temps? Fais-moi rire, des humoristes essayer de te faire rire un participant. Oui, bref. Ça n'a pas duré énormément longtemps. En tout cas, je crois pas. Je crois pas que ça non plus, ça va durer très longtemps parce que on imagine la scène déjà, là, mais. Ouais. C'est un peu bizarre. Ouais. C'est quoi, on va aller voir. C'est dans le fond, c'est à la télévision de fin de soirée au Japon, Orgasm Wars. Et puis, il y a une narration très dramatique et se met en vedette une vedette de la porno japonaise, Ryu Sawai, qui rencontre son opposant, son ennemi Takuya, dans un entrepôt. C'est ça, c'est des affaires orales. Il y a l'extrait. Allez voir l'extrait. My God. Allez voir. Je le pars en ce moment, mais je le regarde. Tu sais, ça va être... OK. Wow. C'est long comme extrait, c'est un bon 10 minutes. Mais bref, ouais, c'est ça, c'est oral. Ben, elle arrête de regarder ça, franchement. Ben, je sais. Colin, c'est donc bien graphique, tout ça, pour la télé de fin de soirée. Not safe for work. Bref, allez voir les liens sur assemblagereki.com. C'était quelque chose, ça. C'est n'importe quoi. Ça finit drôle, ça finit en queue de poisson. Maman. Déplacé comme blague. Oui. Oui, on va prendre une petite pause musicale. Je pense que ça va nous nettoyer les oreilles. Oui, c'est ça. Mais au moins, toi, tu l'as vu. Moi, je l'ai pas vu. Là. Fait que mes yeux sont quand même intacts. Là. Je t'envoie ça dès là. Non, merci. Ça va être correct, je vais passer. On écoute une chanson de 3ND Mion. Je sais pas comment le prononcer. C'est le chiffre 3 et puis NDYMION qui nous envoie une pièce inspirée de Sonic the Hedgehog de la Spring Yard Zone. C'est un des tableaux dans Sonic the Hedgehog. Évidemment, la série de jeux vidéo sur le Genesis et autres. Compositeur original Masato Nakamura. Voici la chanson tout de suite, Spring Yard Zone, MPS au Mathieu Plante Show. On la reconnaît, là. Ah ouais, vraiment? Ah, wow, cool. Madame. Je pense que je vais l'aimer, celle-là. Andy Meehan avec Sonic the Hedgehog, Spring Yard Zone, DMG 01 cover. Hein, quand même un nom compliqué. Toujours Mathieu Planchon, on continue avec C'est un fait Tech Edition. On est prêt pour C'est un fait Tech Edition ou c'est la chronique qui évidemment sort de C'est un fait qu'on fait assemblage requis, sauf que là on parle de technologie. Ouh. C'est spécial quand même. Donc, hey, c'est... Ben oui, dans une émission technologique, c'est vraiment spécial. C'est quelque chose. on commence par le 19 novembre. On recule en 1872. E.D.R. Barber de Boston, Massachusetts, reçoit le premier brevet américain pour une machine à additionner qui est capable d'imprimer les totaux et les sous-totaux. On appelle ça une machine à calculer. Oh! 1872. Ah ben, c'est quand même pas si vieux. Non, la calculatrice qui imprime son propre total. Ouais. Alors que ensuite au 18 novembre 1928, Steamboat Willie qui vit sa première au Universal Colony Theater de New York City. C'était le premier dessin animé qui synchronisait le son et l'image. C'était réalisé par Walt Disney et Ub Iwerks. C'était aussi la première apparition officielle de Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse! 1928. Là, c'est vieux. Là, ça, c'est vieux. Ouais. En 2012, la Nintendo Wii U est lancée en Amérique du Nord. La console n'avait pas encore son service qu'on connaît maintenant qui s'appelle TV, mais avait besoin d'un téléchargement de 5 gigaoctets qui prenait plus d'une heure pour mettre à jour le logiciel de la console dès le départ. Donc, à la branchant, t'arrives à la maison. Pour le moment, il faut que tu recharges les piles des manettes, tout ça. Puis là, ben, tu fais ta mise à jour pendant 5 gigs. Ça a été long faire ça. Je me rappelle l'avoir fait. Ça vaut la peine, par contre. Hmm. Ensuite, on recule au 16 novembre. En 2000, Lycan, ça c'est la société qui donne les noms de, en fait, qui gère les noms de domaines sur Internet, ils annoncent la décision d'inclure 7 nouveaux top-level domains, ce qui a donné naissance au .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. Quand même, moi j'ai jamais vu rien d'autre que .biz dans ma vie. .name aussi. Ouais, effectivement. .info, ok, quand même. C'est quelque chose. Mais j'ai jamais vu de point museum ni de point coop. Point non, moi non plus, me semble. 15 novembre 1926, la National Broadcasting Company, le réseau de radio qui ensuite a mené vers un réseau de télé. Ils ont ouvert 24 stations en 1926. C'était une création conjointe avec RCA, General Electric et Westinghouse. Et puis voilà. Ensuite, en 2001, Microsoft entre dans la console, dans la guerre des consoles de jeux vidéo avec la première Xbox qui s'est mise en vente aux États-Unis. Donc Microsoft qui jouait contre la PlayStation 2 de Sony qui avait été lancée 3 jours avant. Et non, c'est ça. Juste avant que la Nintendo GameCube sorte 3 jours plus tard. Bref, là, ça commence à être vague dans mes affaires. Et attends un peu. En tout cas, peu importe, mais bon. Donc, c'était la Xbox première du nom qui est sortie en 2001, le 15 novembre. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà pour ce qui s'est passé dans l'histoire. Maintenant, quelques faits technologiques. Mm-hmm. En moyenne, un utilisateur moyen de réseaux sociaux et de communautés en ligne, à quel âge, en moyenne, quelqu'un qui va sur des réseaux sociaux? J'irais avec 28 ans. 36,9. Quand même plus vieux qu'on aurait pensé. Ouais, il y a peut-être de plus en plus de personnes âgées qui viennent un petit peu mettre la moyenne vers remettre la moyenne. D'après moi. T'as bien raison. Ouais. En moyenne, sur iTunes, un utilisateur dépense combien d'argent par année? Combien d'argent? Oh, sur iTunes. Par année, sur iTunes, en moyenne. Je vais y aller avec 100$. 40. Un petit peu plus bas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui servent d'iTunes et qui ne savent même pas qu'ils peuvent télécharger des affaires dessus. Qui vont jamais sur l'iTunes Store. T'sais. Sur leur iPhone, les gens sont bien contents d'avoir juste l'application par défaut puis Facebook. En tout cas, bref. Ensuite, on parle de jeux vidéo. Maintenant, Young Melee, le gars qui joue CJ dans Grand Theft Auto San Andreas, et Sean Fontano, qui joue Franklin dans Grand Theft Auto 5, sont des cousins dans la vraie vie. Oh! Deux gars qui jouent dans des personnages dans différents jeux de Grand Theft Auto. Quand même cool. Ouais, on voit ça souvent, hein, des familles quand même. Dans le même métier, mettons. Ouais, c'est des ça. Acteurs. Comme l'autre, là, qui faisait la. C'était qui, là? Je sais pas si c'est Harrison Ford, c'est ça? Il y en a un qui était pas là, puis là, il a pris sa voix. C'est lui qui fait la voix de l'autre. Là. Le frère fait la voix de cartoon, ou je sais pas trop, là. C'est vrai, c'est parce qu'ils ont le même timbre de voix, genre. C'est ça. C'est vraiment vrai, ça. Selon le créateur de Minecraft, le jeu fait avec des petits cubes verts, bruns, tu sais, t'as comme de la terre, du gazon, tu sais, on voit souvent. C'est l'armée, yo-yo. Si on veut. Mais bref, c'est des petits cubes, bref, c'est un genre de jeu où tu peux avoir une autre vie. Bref. Mm-hmm. Selon le créateur de Minecraft, le personnage, dans le fond, qui te représente dans le jeu, et tous les autres êtres du jeu ne sont pas supposés avoir de genre. Donc, c'est ni un gars, ni une fille, c'est une personne dans Minecraft. Pour que tout le monde se sente visé. Un aphrodite. C'est un aphrodite. Ou un aphrodite, c'est... Ouais, bref. Ensuite de ça, dans... Pardonnez-moi. Est-ce que ça va s'ouvrir, ça? Je pense que non. Caroline, pas capable d'ouvrir ma page. Ça veut pas. On va aller avec un autre. Tiens, Loco Roco. Il y a une série de jeux vidéo qui s'appelle Loco Roco. Et ils utilisent un langage genre un petit peu n'importe quoi. Tous les personnages parlent une drôle de langue et ça a été créé ce langage-là pour que les paroles de la musique n'aient pas à être traduites pour les autres publics du monde. Je choisis de parler un peu comme les Sims le font. Et c'est la seule page qui voulait se charger, donc voilà, pour c'est un fait à Calation, ça tombe bien, il est tard. J'aime ça quand ça arrive. Tiens. On prend une petite pause, on revient avec plus de Mathieu Plancheau. Au retour, c'est CNX et la Geekette en devenir. Oui! Menou! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est vous. Vous êtes toujours Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et Marie-Ève Picard. Eh oui, c'est moi. Ben oui. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait skipper le bloc CNX Le Fil. Oh! Au moins. Hein? Je suis rebelle de même. Tu m'en as même pas parlé. Non, on va aller directement au prochain. Ah ouais. On skip ça puis on prend même pas le 200$. En fait, c'est gratuit. Ah, OK. Voici CNX, mais version What Web. CNX, Et donc, comme j'ai dit, on est à l'intérieur du bloc CNX, mais je vais quand même mettre ma petite musique de Wow What Web, comme ça, genre... Wouhou! Comme une chronique dans une chronique, j'aime ça de même. Moi, c'est comme un genre d'Inception de chronique. Yep. Ça me fait plaisir. Commençons avec la chose la plus cool de la semaine. Si vous n'avez pas encore vu ça, vous devez aller le voir. C'est le nouveau genre de vidéo, la nouvelle vidéo, pour accompagner une nouvelle... comment dire ça? C'est comme un nouvel album, genre, mais pas vraiment un nouvel album de Bob Dylan. Vous connaissez peut-être Bob Dylan. Yeah. C'est The Complete Album Collection qui rassemble ses chansons. Donc, bref, c'est le volume 1 qui est disponible sur iTunes en ce moment et en CD. Les 41 albums officiels, 2 CD de compilation avec des pièces qui ne sont pas sur les albums, etc. Il y a un paquet de notes visuelles. Ben, ils ont fait sur le site bobdylan.com. Je vais faire play ici. Et ce que ça fait, c'est que tu syntonises une télé, OK? Et là, tu peux changer de poste à la main, OK? Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré des faux extraits d'émissions. Comme sur la chaîne Cuisine ou sur la chaîne Game Show Channel. C'est des parodies de Food Network puis Game Show Network. Et t'as la chef qui chante, ben pas qui chante, mais qui parle, qui anime son émission de cuisine, mais avec les paroles de Bob Dylan. Ah. Donc, tu vois sa bouche, ils ont vraiment enregistré ça pour ça. Malade! C'est vraiment, vraiment cool. Donc là, ben, ça saute un peu, je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Je vais changer, je vais aller voir le Game Show Channel. Il y a une émission de télé-réalité genre Pawn Stars. T'as l'émission de mode, Look TV. Le Game Show Channel, où on voit Drew Carey, qui est l'animateur de Price is Right, qui a vraiment enregistré les paroles pendant une fausse émission. Et là, t'as l'hôtesse qui présente les prix, qui chante aussi les paroles. Bref, c'est vraiment cool. C'est un peu visuel là, pour la radio, là, mais quand même. Ouais, mais on sent le... Oui. C'est extrêmement bien fait, pour vrai. Donc, c'est sur bobdylan.com. Allez voir ça. Maintenant. Cool! C'est vraiment hot. Ouais. C'est très bien fait. Ensuite, Instagram. Instagram, c'est l'histoire, mais racontée en genre de Instagram. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des événements de l'histoire, des événements très, très connus d'il y a très, très longtemps, comme Benjamin Franklin avec comment t'appelles ça, le truc qui vole avec une corde? Comment? Un cerf-volant. Voyons donc, c'est quoi? Bref, sérieux. Donc, on a fait un genre de faux compte. Will Franklin, George Washington, Ben Franklin. Et là, Ben Franklin, il dit, oh, ben, on va voir ce qui va se passer. Puis là, hashtag science, hashtag éclair, hashtag expérience. Donc, c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment comme, mettons, les dinosaures. Comme là, il y a un dinosaure qui s'appelle Rexy Too Sexy qui tweet, ah, étoile filante, je vais faire un vœu. Ben, c'est ce qui a détruit les dinosaures. C'est des gros événements comme ça. Donc, allez voir sur ascendagerequis.com pour tout ça. Ensuite, tu connais peut-être le site Upworthy, qui est un genre de, pareil comme BuzzFeed. Tu sais, il y a des sites comme ça, comme BuzzFeed, qui, justement, créent le buzz. Et aussitôt qu'ils postent quelque chose, tout le monde, littéralement, non, plus du tout, partage ça sur les médias sociaux. Ouais. Et ça en devient vraiment gossant. Genre, c'est vrai. Genre le top 40 des ci, des ça, le top 6 des ça, des ci, tu sais. Des affaires dont on se fout complètement. Et là, il y a une version francophone de BuzzFeed qui est sortie récemment. Et là, je vois de plus en plus de gens poster du BuzzFeed francophone sur Facebook. Ça m'énerve. Mais Upworthy, c'est la même chose, mais un compétiteur. Et il y a UpworthyGenerator.com qui va te générer des grands titres et du contenu qui risque d'être populaire, qui risque d'être de passer par Upworthy un jour. Donc, je sais pas. Tiens. Ici, l'article s'appelle « What this barrier-smashing teenager did is genius ». C'est un titre qui veut absolument rien dire. Ouais, en effet. Mais qui attire le regard. Ouais. Donc, et là, t'as évidemment la petite phrase cute que l'auteur écrit, qui est « I'm still trying to pick my jaw off the floor ». Genre, j'ai la gueule à terre tellement ouais, c'est drôle ça. Ou le fun. Et c'est signé Rajit McAdams, un faux nom avec une fausse photo. Bref, c'est pour générer des articles qui vont être partagés partout pour faire son frais sur Facebook. Genre. Et bien, je peux faire générer un autre pour en générer un autre. Et c'est évidemment pas affilié à Upworthy. Ça fait juste filtrer les articles et vous mettre ça d'en face. Ensuite, on peut envoyer des messages sans Internet et sans service de téléphone cellulaire grâce à Tin Can. Ça a l'air bizarre, hein? C'est quoi, c'est un petit oiseau? Non, pas vraiment. Donc, Tin Can, c'est une application qui permet d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs de Tin Can qui sont à l'intérieur d'un même réseau Wi-Fi, c'est-à-dire environ 100 pieds. Donc, c'est pas tant, là. Non, c'est pas tant. Ouais. Comment ça fonctionne, c'est que l'application apparaît comme un hotspot Wi-Fi avec l'autre utilisateur de Tin Can. Donc, c'est ça. Quand l'application détecte que quelqu'un avec Tin Can est proche, ça va automatiquement échanger des messages. Les messages qu'ils ont... bref, là, ça explique les détails là, que je comprends pas trop. Là. Mais les messages sont publics et tout le monde peut les voir qui sont à l'intérieur de ce 100 pieds-là. C'est comme un genre de Twitter ou d'IRC, mais extrêmement local ouais. sur un même réseau Wi-Fi. C'est bizarre. Hein? Je sais pas à quoi ça sert, parce que si la personne était sans pied de toi, au pire... Crazy, c'est par la tête. Ouais, c'est ça. Donc, les gens peuvent s'inscrire à d'autres utilisateurs de Tin Can pour recevoir leurs messages qui sont limités à 220 caractères et qui présentement durent 90 jours et ensuite meurent. Tin Can a réussi à ramasser des fonds sur Kickstarter en avril dernier et peut maintenant être téléchargé gratuitement du Google Play Store sur les appareils Android. Maintenant, une tornade a frappé une maison d'un gamer, d'un grand joueur de jeux vidéo, mais a laissé sa PlayStation 4 complètement... sa nouvelle PlayStation 4 qu'il vient d'acheter, parfaitement en bon état, intacte. C'est quand même bizarre. Malade. Donc, ça a frappé dimanche dernier et ça a causé des destructions terribles et même certaines morts. Bref, les survivants ont cherché dans les débris et un gamer a trouvé quelque chose qu'il pensait jamais retrouver, c'était sa PlayStation 4. Maintenant, il doit trouver une nouvelle télé pour pouvoir jouer à ses jeux, mais au moins, elle a survécu. Exact. Tout est bien qui finit bien. Oh. C'est bizarre, je comprends. Yeah. Pourtant, c'est les consoles de Microsoft qu'on s'attend à ce que ce soit construit comme des tanks. Là. C'est tellement gros, ces affaires-là, dégueulasses, laid dans un salon, mais solide. Oh, dis pas ça. Mais c'est vrai. Il y a une photo qui circule en ce moment sur les médias sociaux d'une PlayStation 4 sur une Xbox One, okay. une par-dessus l'autre, et on voit que la Xbox One est gigantesque. Oh. Et qu'en plus, la Xbox One a un power supply externe. Donc, c'est genre un fil super gros en plus de la console super grosse. Ouais. Alors que la PlayStation 4, le... C'est dedans. Il l'a là. Bref, vous pouvez maintenant louer trouver et louer des stationnements avec l'application Park Circa. Bizarre quand même, encore une fois. C'est ça, c'est l'application qui s'appelle Park Circa. C'est l'application qui permet de trouver et de louer un stationnement. C'était quand même assez simple à utiliser et même à regarder dans la petite vidéo. Si t'as besoin d'un stationnement, t'es entre l'endroit où tu aimerais te stationner. Tu cherches dans les espaces qui sont disponibles dans la liste. S'il y a une place, entre autres, tu peux la lister dans la base de données comme étant disponible à être louée. Donc, tu pourrais faire de l'argent avec ça. Je comprends pas comment. Donc, Park Circa est compatible avec Android, iOS et Windows Phone. Et vous pouvez télécharger l'application via assemblagerequis.com pour Québec, évidemment. Ça me surprendrait bien gros que ça fonctionne au Québec, mais peut-être un jour. Allons-y avec... Tiens, ça, c'est juste intéressant. Je vais le mentionner rapidement. C'est Deconstructed par Brendan Allen. C'est une série d'images de télécommande de jeux vidéo, mais défaite en morceaux. Donc, bien arrangé pour être montré à la caméra. Donc, il a vraiment séparé la manette, la petite carte à l'intérieur, les joysticks, les boutons. Tout ça est bien placé, perpendiculaire. Donc, allez voir ces collections de photos-là. Il y a même des versions fond d'écran. Il y a une Roomba. Tu connais les Roomba? C'est le petit robot qui passe l'aspirateur? Oui. Genre que ça se... Tu mets ça dans... Ça y va tout seul, là? Tu mets ça dans ta maison, là? Ça retourne à sa base à la fin quand ouais. ça... C'est... On en veut tous une. Même ça ouais, pas mais il disait que c'était pas... Ouais, c'est ça, ouais. Que c'était pas si bon que ça, là, que ça tournait les coins ronds. Ben, non seulement c'est pas bon, mais je pense qu'elle-même se trouve pas très bonne parce qu'il y en a une qui s'est suicidée complètement. Hein? Oui. What? Donc, c'est en Autriche. À chaque fois que je dis Autriche, je passe proche de dire Autruche. Ça, je pense que t'avais remarqué. Mais en Autriche... oui. En Autruche? En Autruche. Donc, il y a une Roomba qui s'est allumée par elle-même. Et elle est montée, elle n'est pas montée sur le comptoir. Je ne sais pas probablement qu'est-ce qu'elle faisait sur le comptoir. Mais bref, elle a fini sur le rond du poêle. Et ça a brûlé à mort. Oh. Comment est-ce possible que la Roomba était sur le comptoir? Ben, peut-être qu'il y a un petit génie qui voulait se trouver drôle. Puis je vais la mettre sur le. Et c'est ça va faire un buzz. Rond. C'est ça? BuzzFeed. BuzzFeed et Upworthy sont là-dessus. Moi, je vais y aller avec, tiens, iFixit, qui a complètement défait en morceaux la PlayStation 4, un peu comme le gars tantôt parlait de ses manettes qui étaient défaites en morceaux. Et bien là, il y a le official unboxing et le teardown vidéo de chez iFixit. iFixit qui fait ça à chaque sortie de gadget. Ils ont défait la PlayStation Vita, la plus récente, le nouveau modèle. Ils ont défait toutes les consoles avant ça, les MacBooks ou les peu importe. Là. Donc, ils ont défait ça en morceaux. Et vous pouvez voir les photos sur assemblagerequis.com à la place d'avoir à le faire vous-même. Et iFixit donne à la PlayStation 4 un taux de réparabilité. Ils aiment ça nous dire comment facile c'est de réparer cette console-là. Donc ici, il donne 8 sur 10, ce qui est très rare de nos jours. Oh. Surtout chez les produits Apple qui sont tout collés avec de la grosse colle. Ouais. Donc 8 étant facile? 8 étant genre... c'est ça. Plus t'es proche de 10, plus c'est facile. Exact. Donc, il y a ce qui est particulièrement facile à changer, c'est le disque dur qui est caché juste en dessous avec un petit snap-on, genre de couverture snap-on, mm-hmm. avec une seule vis. Donc oui, tout est facilement réparable. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Maintenant, il y a un Viewmaster. Tu sais, les Viewmasters, c'est le truc, les genres de petites jumelles avec un bouton sur le côté, clac-clac-clac, puis ça passe des diapositives. Mm-hmm, bon. Oui. Bref, ils en ont fait un nouveau modèle, mais avec de la vidéo 3D. Modèle okay. Upgradé du Super Viewmaster. C'est par Alec Smecker, qui a acheté un vieux modèle du Viewmaster. Il a installé une paire d'écrans de 0,9 pouces, 96 par 64 pixels OLED, avec un ordinateur Raspberry Pi à l'intérieur et... Il a ajouté aussi un lecteur de CD-ROM. CD-ROM. Vintage, hein? Très vintage. Après ça, tu vas me parler de quoi? Genre de disquette. D'encyclopédie. Ouais, non, je l'ai encore plus vieux. Encyclopédie papier. Papyrus. Wow, là, l'exagération, monsieur Plante. Donc, il a hacké ça, il a programmé ça, il a réussi à faire un lecteur de vidéo 3D. Donc, tout ça dans un Viewmaster. Allez voir sur assemblagerequis.com. Et puis, finalement, tiens, on va y aller avec celui-là. Ça m'intéressait, je me suis dit, j'ai pas vraiment le choix de vous parler de ça. OK. Parce que, tu sais comment dans les chansons, je déteste tout le temps les genres de gros drops. Tu sais où ça fait « dui, dui, dui, dui, dui », ça monte super haut. Ah, justement, comme dans la chanson de Rihanna. Hein? Oui, genre, mettons, comme dans toutes les chansons ever en ce moment. Ah non, je suis pas capable. Ben, non seulement je suis pas capable, mais je vais en faire jouer à la radio parce que non, t'es fou. Sur ce SoundCloud-là qui s'appelle soundcloud.com/best drop ever, c'est un compte de parodie qui fait les drops les plus saugrenus du monde. Donc voici celle qui s'appelle A Drop So Awesome That Your Friends Will Forget You Were Why They Came Second at Trivia Night. Un titre qui veut absolument rien dire. Ça sonne comme ça, écoutez ça. Je n'endosse pas cette musique. Ça vaut la peine. Oh, man. C'est super mal fait. Le mix, c'est vraiment mauvais. Oh, et en plus, dégueu. La photo, c'est genre Paris Hilton. Tu sais, quand elle se prenait pour un DJ, là, tu sais, là? Oui. C'est ça, la photo du compte. C'est soundcloud.com/best drops ever. Oh, my ever. God. J'ai envie d'en entendre un nom. OK. On va écouter A Drop So Epic, A Bunch of New York University Brothers Already Bought a 3-Day Weekend Pass for It. Oh, non. Who let the C'est parfait. Oh, mais lui, il était quand même réussi. Le mix était meilleur. Oui. Mais je sais pas, on dirait que je suis comme jaloux qu'il ait eu l'idée avant moi. Ouais, j'avoue. Mais j'avoue que j'aurais pas été capable de faire ces montages-là parce qu'il aurait fallu, pour faire les montages, écouter des extraits ouais, de musique. Ça, t'aurais pas été capable, moi. Oh non! OK. Vite, arrête-le! Là, j'avoue que j'en ai eu assez, par contre. J'en ai eu assez. Cool. Ouais. Ah, mais c'est bien drôle tout ça. C'était vraiment le fun. Hein? On va écouter une autre pièce de chiptune maintenant. Tiens, on était rendu à écouter One Up. One Up. C'est par l'artiste BLX1. Juste après ça, ce sera la geekette en devenir. Là, ça va être de la bonne musique, je vous le garantis. Oh oui. C'est Je le plante garantie. Non, hein, mauvaise nom. Ben, elle est bonne cette chanson-là. Elle est quelque chose. Je dirais pas qu'elle est bonne, mais c'est quelque chose quand même. Je sais pas, je me suis comme tanné de cette chanson-là. Ça, c'est bon. Geekette en devenir juste après, bon. OK. Là, ça vaut la peine de rester. Oui. One Up par BLX1, une autre pièce de chiptune, Mathieu Plante Show. Avant de passer à la geekette en devenir, juste rapidement, là, je sais que je fais pas de bloc Cinex Nouvelle aujourd'hui, j'ai juste pas envie de faire un bloc Bulletin Geek. Par contre, pour les gens qui ont une PlayStation 4, pour les gens qui se sont gâtés avec une PlayStation 4, pour vraiment bravo, je suis jaloux. Eh oui. Et il y a beaucoup de consoles défectueuses. Oh! Ouais, les premières solutions sont apparues 3 jours après la mise sur le marché de la PlayStation 4. Retour sur le cas des quelques machines livrées cassées et des solutions connues. Ouais. Hein? Ouais. Ben voyons donc. La PlayStation 4 connaît quelques soucis de fonctionnement affectant une portion a priori très faible des modèles distribués. En croire l'estimation de Sony, elle plafonnerait à 0,4% de la totalité des stocks mis sur le marché. Ces problèmes sont regroupés sous le nom de Blue Light of Death, un peu comme la Red Ring of Death chez la Xbox 360 au début. Ça se manifeste presque toujours de la même façon. Les machines affectées, une fois allumées, se mettent à pulser d'une lumière bleue et n'envoient aucun signal à l'écran. Hé, méchant bug! Tu viens de payer, genre, je sais pas, 500-600$ pour ta console avec les taxes. Donc, elle devrait émettre une première lumière bleue puis virer au blanc, indiquant que le signal audio-vidéo est bien reçu par la télé. Ben, c'est ce qui ne se passe pas. Les premiers retours évoquant des machines cassées ne concernaient encore que les machines envoyées à la presse ou aux chanceux gagnants de concours. Passé le premier week-end de sa commercialisation aux États-Unis, les messages faisant état de panne se sont logiquement multipliés. Ben là, tu sais. Ouais. Donc, évidemment, sur Amazon, tout le monde donne des une étoile après avoir entendu de ça, parler de ça. Un représentant de Sony a proposé une solution bricolage, si on veut, mais je vous en parlerai pas parce que depuis, il y a eu une nouvelle qui est sortie sur un patch. Sony n'a pas tardé à proposer une nouvelle mise à jour firmware pour sa PlayStation 4, la version 1.51. Un patch déjà disponible en téléchargement pour les joueurs américains et tous ceux qui disposeraient déjà d'une console. D'une taille de 323 MB, cette mise à jour prétend apporter quelques améliorations mineures à l'interface utilisateur, tout en réglant certains problèmes de stabilité constatés, notamment les freeze réguliers dont tout le monde était témoin. On attendra évidemment un test plus prolongé pour savoir si effectivement ces détails ont été réglés. La mise à jour se lance automatiquement même quand la machine est mise en veille, donc on espère que ça va régler bien des problèmes. Ah, méchante sortie, hein? C'est, ouais, ça commence très mal. Ça commence bien, hein? Ben, ils ont quand même vendu 1 million de consoles en 24 heures pour la PlayStation 4. Ben oui, mais là, c'est sûr, ils ne savaient pas que ça allait faire ça. Le monde l'ont acheté. Normalement, là, un produit neuf, ça marche. Ceux qui l'ont appris récemment, je pense qu'ils se retiennent sur l'achat, là. Ah ouais, c'est sûr. On va attendre la baisse de prix aussi. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et juste pour faire rapide, la seule nouvelle que je trouve intéressante, c'est après avoir ramassé plus de 363 000 $ canadiens, les concepteurs montréalais annulent la réalisation de Lucy, un ambitieux projet d'inducteur de rêves lucides. Un peu comme dans Inception. Donc, le film de Christopher Nolan qui se déroule dans un avenir rapproché où l'armée américaine a développé le rêve partagé, une méthode permettant d'influencer l'inconscient d'une victime lorsqu'elle rêve afin de collecter de l'information. Donc, il semblerait que ce soit de la fiction pour l'instant. Un projet de casque permettant de faciliter l'accès à vos rêves durant votre sommeil a brusquement été annulé. Baptisé Lucy, le casque aurait permis à son utilisateur d'interagir directement avec les différentes composantes de son rêve. Doté d'un électroencéphalogramme situé derrière la tête, l'appareil aurait alerté le sujet endormi de la présence d'un rêve par le biais d'un signal sonore afin de transformer l'activité cérébrale en rêve lucide. Le 1er novembre dernier, Amine Barnett soutient Lucy en promettant de verser $175 en échange de quoi l'entreprise montréalaise GPX Technologies prévoyait lui envoyer l'inducteur de rêve lucide une fois la première production terminée. Par la suite, l'étudiant parisien devient de plus en plus sceptique après s'être renseigné sur le sujet et décide alors de réduire sa contribution à 1$, juste ce qu'il faut pour pouvoir commenter sur la page. Une vague de commentaires publiés par Barnett et d'autres bailleurs de fonds souligne le manque d'informations sur GPX Technologies et son fondateur, donc on pense que c'est vraiment une attrape. Certains déclarent que les images utilisées pour promouvoir le projet semblent avoir été falsifiées, sans compter qu'il n'existe aucune vidéo permettant de voir le prototype en action. Donc, sur une cible de $40 000, le défunt projet avait atteint plus de $400 000. Donc, 10 fois plus avant de redescendre à 363 000. Puis le projet a été annulé. La somme va être redistribuée aux 2569 bailleurs de fonds. Afin de vérifier le bien fondé du projet, les ressources de Kickstarter sont quand même limitées. Le service vérifie l'identité, l'adresse, le compte bancaire, le numéro de téléphone et le courriel des candidats désirant soumettre un projet. Tous les porteurs de projets sont avertis qu'ils peuvent faire face à des procédures judiciaires s'ils ne parviennent pas à tenir leurs promesses. De l'autre côté, Kickstarter avise les internautes de réviser soigneusement le matériel d'un projet avant d'investir. Un formulaire visant à alerter le service d'un faux projet ou d'un projet suspect ou potentiellement frauduleux est également à la portée des utilisateurs d'un dit article de branchezvous.com. Donc voilà pour mon petit survol rapide. Et ben. Maintenant, quelque chose de plus vrai, hein, parce que c'est quand même trouvé par une future geekette. Voici la geekette en devenir. Et la guiguette en devenir, ben c'est Marie-Ève Picard. Eh oui, c'est moi. Ma co-animatrice fidèle. C'est moi. Et qu'as-tu trouvé pour nous sur Internet? Plein de choses. Oh, yeah! Oui! Ah! Ah, OK, Léna, la fille, là. Oui, c'est... C'est pas trop. Fait que là, elle dit, puis là, elle dit... Fait que là, elle dit... And then she said, he said, he, she said. OK, on n'est pas anglophone. Non, c'est ça. Mais quand même. Quand même. Oui. Allons-y. Bon. Alors, toi, quand tu vas à la bibliothèque, là... De là, déjà, c'est un scénario... Oui. Non, c'est très vrai. Tu prends cette journée-là, un vrai rat de bibliothèque. Oui. Quand tu prends des livres, là, tu t'attends à ce que, bon, qu'ils soient un minimum quand même propres, beaux. Qu'ils sentent le papier. Oui, c'est ça. Tu sais, hein, c'est toujours le fun d'ouvrir un livre, là, puis ça sent le papier. Parce que quand tu ouvres un Kindle, là, ça sent pas la même chose. Hein. Ben non, ça sent le chocolat. Le chocolat? Kinder. Un Kinder Surprise. Oui. C'est un Kinder, là. Ah, mais ouais, oui. Si tu veux. Ben moi, j'avais compris de moi. Genre. Moi, je mange un Kinder en lisant mon Kindle. Ouais. C'est vrai. Exactement, tu vois. Avec une chandelle, une Kindle. Ouais. Candle, you know. OK, laisse faire. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, ce livre-là? Oui, ben écoute, il y a des professeurs de l'Université de la Belgique qui se sont posé la question. En fait, ils voulaient savoir si les livres qu'ils ont à la bibliothèque sont corrects. Hein, blanche comme neige. Oui, comme blanche-neige, oui. Et donc, c'est ça, ils ont envoyé 10 livres les plus populaires de la bibliothèque pour les faire analyser, pour voir là, les bactéries, mettons, et côté bactéries et drogues, là, si on veut. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Si je devinais, ce serait peut-être obscène, je vais me retenir. Ouais, d'accord. Ce que le gars n'a pas fait, oh! se retenir, c'est une blague de sperme. Ouais, quand même. Mais qui a peut-être un lien. Je sais pas. Hein? Tu verras bien. OK. En fait, c'est ça. Alors, sur toutes les 10, les 10 plus populaires. Là, Ils ont choisi les top 10 des plus populaires. Là, c'est ça. Mm-hmm. Ils avaient toutes des traces de cocaïne. Oh non! Oui. Oh non! Oui. En fait, pas des grosses traces, là, mais juste assez pour être testé, mettons, positif. Okay, positif ouais, qu'il y a de la cocaïne dessus, mais t'sais, pas assez pour en subir l'effet, là, si on veut. Oui. Et parmi ces livres-là, il y avait évidemment le fameux Fifty Shades of Grey. OK. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je sais pas, du vieil. Pense à... OK, je vais te donner un indice. Pense à une maladie dégueu, mettons. Pas genre... pas le sida quand même, mais mettons... l'herpès. Oui! Hein? Oui! Quelles sont les chances que je savais ça? Ah, je sais bien pas. On dirait que tu t'es peut-être fait prendre. On dirait que j'ai peut-être lu un petit peu le titre de l'article. Oui! Mm-hmm. Ben oui, ils ont trouvé des traces d'herpès. Encore une fois, pas trop significatives, là, mais quand même... Ouais. C'est franchement dégueu. Donc, les gens vont à la bibliothèque et ont des maladies genre incurables de sexuelles. Ben oui, puis là, c'est ça, il y en a mettre partout. Mais au moins, ils couchent pas avec des femmes ou des hommes, mais tu sais, au moins, ils couchent pas avec des gens. Non, mais là, qu'est-ce qu'on dit, là? Ça va se transmettre, là, c'est dégueu. Tu fais un paper cut sur ce livre-là, là, ben puis les oui, traces d'herpès, c'est con, hein? T'es foutu. Pour vrai, là. T'as l'air pèse. Pas fort. T'es foutu. T'as l'air vraiment pèse, là. Ouais, vraiment. C'est comme les jeunes, tu sais, ils disent t'as donc bien l'air whack, t'as donc bien l'air pèse, c'est comme le raccourci des pèses. T'as l'air pèse. T'as bien l'air pèse. Oh, mais je pense pas que c'était fait au grand public, elle va marcher. Très drôle. Hein. Ouais, elle est pas si drôle. Ah, OK. Bon. Ouais. Ben, c'est un bel effort. T'es bonne pour me remettre à terre. C'est un bel effort. Je suis déjà à terre, tu me kicks. Ensuite. Ben non, tu sais, je suis ta fan numéro un. Ben oui, number one. Number one. C'est ça. Alors, c'est ça, c'est tout pour ce petit bout. Mm-hmm. Ensuite de ça, tu sais comment c'est dur des fois, mettons, tu vas faire un pique-nique ou tu vas à l'aéroport ou tu voyages en auto des fois plusieurs heures ou quelque chose, quelconque. Ouais. Mm-hmm. Enfin. Et on n'a pas tout le temps des ustensiles ou un plat, tu sais, un assiette, un bol, n'importe quoi, pour pouvoir manger ce qu'on achète. Ben, imagine-toi donc, il y a quelqu'un qui y a pensé. Ça a été fait par Yu Xiang. Encore un nom impossible à savoir si c'est correct, là. En fait, c'est ça. Quand tu le regardes, là, ça ressemble un peu comme à de l'origami. Okay. C'est vraiment drôle. C'est comme un ensemble de tables, il est comme tout plié. Puis, c'est comme la grandeur d'un format de feuille A4. Ah, comme une feuille de papier, mettons, presque 8,5 par 11, si on veut. Exact. Alors, quand on le rouvre, il y a comme un bol hexagonal qui surgit, là, qui pop. Mm-hmm. Et sur les côtés, dans le fond, parce que ça se défait là, comme en morceaux. Et puis, sur les côtés, tu as la fourchette et la cuillère. Oh, c'est beau! C'est vraiment très beau. J'aime ça. C'est vraiment bien pensé. Évidemment, j'imagine que c'est jetable, là. Je crois pas que tu réutilises ça. Mais quand même, c'est vraiment pratique, là. C'est très, très, très pratique. J'aime ça. Puis ça veut dire que c'est tout le temps propre. Tu sais, mettons, des fois, là, t'es pas certain, là, si tes affaires... Si on touchait à quelque chose d'autre, là, sont refermés sur eux-mêmes. Ben, c'est ça. Mm-hmm. C'est vraiment génial. Puis tellement qu'ils ont gagné le Red Dot Design Award 2013. Yes! De cette année, donc. Alors, bravo. Oui, oui. Ben, c'est une bonne idée. Ben, vraiment. Vraiment. Et voilà. Ensuite, on passe souvent de Google Street View. Oui, évidemment, on aime tous aller voir son propre appartement, voir si on n'est pas dans les photos. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ben maintenant, ils ont mis... dans le fond, on peut maintenant explorer Venise. Ah, la ville romantique Venise, oui, en Italie. Oui. Tu sais qu'on se pose souvent les questions. Hein, c'est comme une île, puis il faut aller là en bateau, puis tout. Là. C'est vrai que ça doit être vraiment cool d'aller regarder sur Google Street View. Ça. Puis ils ont tout mis, là, puis même jusqu'à des choses qu'on voit moins, là, comme le... First Jewish Ghetto and the Devil's Bridge on Torcello Island. OK, des endroits qui ne sont pas nécessairement touristiques. C'est ça. Okay. Donc, c'est ça. Comme je disais, les choses qu'on voit moins quand on y va. Là. Génial. Oui. Alors, pas besoin de se déplacer. C'est pas cher, ça. Un voyage de moins. C'est fou de ne pas se permettre ça. On peut se permettre ça. Ben, c'est ça, exactement. Oui. Et toi, je sais que t'as quand même gardé ton esprit jeune. Jeune de cœur, hein? Oui, c'est ça. T'avais déjà vu le film Toy Story, hein? J'ai jamais vu le film Toy Story. Oh! Tu me juges, là, tu me juges. Hein? Ah ouais, je te juge tellement. J'ai jamais vu Star Wars non plus, je me dis geek, ça. Oh! Après, ça, je te juge, là, à fond. Je me juge tout le temps moi-même. Fais-toi en pas. Mais au moins, tu sais un peu c'est quoi l'histoire. Oui. Alors, pour ceux comme Mathieu Plante qui ne l'auraient pas vu, mettons. Alors, les personnages se réveillent, en fait. Là, c'est des jouets qui se réveillent, en fait. Donc, ils deviennent réalité. Oui. Ben, en fait, il y a un couple qui s'est dit, tu sais, on vit dans un monde quand même technologique et tout. C'est plate parce que l'enfant, on dirait peut-être qu'il développe moins son côté imaginatif. Alors, ils ont décidé de créer, en fait, ben, c'est eux qui ont décidé ça, là. Ils ont créé le mois de novembre, en fait, ils ont dit ça à leurs enfants. Et ça s'appelle, attends un petit peu, je l'avais ici, le Dinovember. C'est bon. OK. C'est encore meilleur que Movember, là. Ouais, c'est vraiment cool. C'est que leurs enfants ont beaucoup de jouets de dinosaures. Et ils ont décidé de leur faire aller leur imagination. Alors, à chaque jour ou presque, ils posent les dinosaures. Et il les pose en action, mettons, là, il les place là, dans différents scénarios puis tout. Puis le lendemain matin, il leur montre ça. Ah! Oh. Fait que là, les enfants sont comme Pendant la nuit, ça a lieu. Pendant la nuit, ils ont lieu, ils ont fait ça. Fait que c'est vraiment cool, là. Je trouve ça super. C'est créatif au bout. Ben oui. Et vous pouvez voir les photos, évidemment, sur assemblagewiki.com. Oui, c'est ça. Ils ont montré. Aïe, aïe. C'est comme il y en a, ils mangent des crayons, des crayons de cire, ils font la vaisselle. Ils mettent leur tête dans un. Tu sais, les call-outs, genre les cartons avec des trous de ta face. Là. Oui. Ah, c'est ils jouent à des jeux vidéo. C'est drôle. Des jeux de société, pardon. Oui. C'est vraiment cool. C'est sûr, si j'avais des enfants, je le ferais, je pense. Oh. C'est une bonne idée, je trouve. Et finalement, pour finir, en fait, malheureusement, cette semaine, ne pleurez pas. Ah, non! Attends, je suis pas capable de vivre ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il va falloir. Parce qu'il y a... J'ai pas de princesse de Disney. À chaque semaine, il y a une princesse de Disney dans ta chronique. Puis là, aujourd'hui, tu me laisses tomber. Oui. Oh, maudit. I'm sorry. Non. Ben, après, j'ai trouvé quelque chose de drôle. OK, cool. Ouais. Alors, c'est sur le site Googleify. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Oh, oui, Googleify. Googleify, ouais, ouais. Donc, c'est ça. C'est que tu peux rentrer une adresse URL là, et tu peux aller choisir, dans le fond, la photo. Et puis, ça va émettre des genres de... ben, en fait, tu vas choisir un GIF animé. Là, OK, il faut soit un GIF animé à la base. C'est ça. Okay. C'est ça. Tu envoies l'adresse de ça. Exactement. Ouais. Puis là, tu fais go. Ouais. Et puis là, on voit, dans le fond, il s'est comme transformé les yeux. Là. Il remplace les yeux par des genres de petits yeux de bande dessinée. C'est comme là, des yeux de plastique là, que tu bouges, puis l'œil bouge ouais, dedans. Oui, c'est ça. Là. Exactement. Exactement. Wow. Puis ça donne des choses très, très drôles. Fallait voir sur le site. C'est super. Sur assemblagewiki.com. Donc, évidemment, on choisit sa photo, on met ça, puis après ça, on peut la renvoyer à d'autres, puis partager. Exact. Sur Internet. Et il y a un palmarès. Ça fait juste rire. C'est drôle. C'est très drôle. Oui. Voilà pour la geekette en devenir. Merci, Marie-Ève Picard. Ça me fait plaisir. Beau travail. Ben, merci. Oui. On va se retrouver pour une autre édition du Mathieu Planchon. Ce sera mercredi prochain entre 16h et 17h. On rappelle les samedis après-midi à 15h. Sinon, allez voir cif.ca pour la programmation complète, assemblagewiki.com, comme on l'a dit pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Encore une fois, merci, Marie-Ève Picard. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Bye-bye. À ciao. À ciao. Ciao.